Black sur réseau, Cray plateau frère, Black sur réseau, et puis sur scène frère, Black sur réseau, Cray plateau frère, Black sur réseau. Et puis les sourcelles frère. Eh hey boy, c'est quoi les boys? Qui fait quoi? C'est qui les boss? On se bute un point niggas, ici c'est l'Ouest, pas la West Coast. T'attendre d'art sur les ricains de clamp, ils sont ma corse. Tout le monde en livraison, à gauche, à droite, pas besoin de la porte. Y'a ceux qui connaissent pas, qui disent qu'on est des campagnards. T'inquiète à la main droite, le bouclier de fer cache le poignard. J't'épanouis grave, comme à tête à tête avec ton père. Toujours là pour encourager tous mes gens qui sont des terres. Jamais d'accord comme un gosse têtu et ta gueule tu te tais. Beaucoup déçus de la vie car la rap fait des coups de trait. Comme le professeur tire un trait mais sur les MC fonds. Le ghetto t'accepte comme un chèque pétard malgré tes défauts. Chaque île sur Wild Street c'est la compil des R.A.Y. Nous rap nous cotons pas les restos riches pas que des grecs. N'attends pas qu'on te fasse un coup de chat pour sentir que c'est le son. Son black sont restés tous connectés tant qu'il y a du réseau. Hey boy, c'est quoi les bails? Qui fait quoi? C'est qui les boss? En roue arrière, Sarah et Fatou en bécane de croff. Les encouragements recherchent mes batteries amassées les coffres. Jamou, jamou, jamou, c'est la race qui t'accorde. Hey boy, c'est quoi les bails? Qui fait quoi? C'est qui les boss? En roue arrière, Sarah et Fatou en bécane de croff. Les encouragements recherchent mes batteries amassées les coffres. Jamou, jamou, jamou, c'est la race qui t'accorde. C'est qui la suite? Black sont encore Chef Kiss. Ah, le baiser de la mort. Mettez du lubrifiant, check du lourd, ça va aller fort. Relève du hardcore, sale décor, allez, ramassez les corps.